Section 61 de l'Histoire générale du IVe siècle à nos jours, tome 3e. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Lu par Laurent Salvetti. Chapitre 14. Les royaumes scandinaves de 1230 à 1480. Introduction et première partie. Le Danemark de 1241 à l'Union de Kalmar. 1241-1397. Par Émile Aumann. Le milieu du XIIIe siècle, qui n'est marqué pour la Suède que par un changement de dynastie, l'est pour le Danemark par une diminution considérable de sa puissance. Le démembrement des domaines des Estritides, commencé sous Valdemar le Victorieux, continue sous ses successeurs. Le pouvoir royal, attaqué par la noblesse et le clergé, va toujours s'affaiblissant. C'est cependant le Danemark qui restera, jusqu'au XVIe siècle, le pivot de l'histoire du Nord. À la fin du XIVe siècle, commencera l'union, destinée à durer plus de 400 ans, de la Norvège et du Danemark. Un peu plus tard, la Suède elle-même s'y rattachera et tout le nord scandinave se trouvera réuni dans la main des rois danois. C'est donc par le Danemark qu'il convient de commencer notre étude. Première partie, le Danemark, de 1241 à l'Union de Kalmar, 1241-1397. Les fêtes. La plupart des dépendances extérieures du Danemark avaient été perdues dans les dernières années du règne de Valdemar le Victorieux. Ses successeurs furent incapables de les reprendre. Erik Plovpenning, ainsi nommé à cause d'un impôt qu'il établit sur les charrues, passa ses 9 années de règne, 1241-1250, à combattre ses frères, qu'appuyaient les comtes allemands du Holstein, la ville de Lubczyk et les Suédois. Une seule expédition au dehors relie son règne à celui de ses prédécesseurs. En 1248, il va en croisade en Estonie. 2 ans plus tard, il est assassiné par son frère Abel, duc de Sud-Jutland, qui monte sur le trône, mais est presque aussitôt tué en 1252 dans une guerre contre les Frisons. Un troisième fils de Valdemar, Christophe, succède à Abel. Son règne de 6 ans, 1252-58, est rempli par une lutte violente contre le clergé qu'interrompt à peine la mort subite du roi, empoisonné, dit-on, par le doyen du chapitre de Veil. Erik V. Glimping, le Clignan, passe son règne à lutter, comme son père, tantôt contre le clergé, tantôt contre la branche apanagée de la famille royale qui détient le duché du Sud-Jutland. En 1286, il est assassiné par ses officiers dans une grange près de Viborg, en Jutland. Son fils, Erik VI, Menved, plus heureux que ses prédécesseurs, garde la couronne longtemps, 1286-1320, et ne meurt pas de mort violente. Son règne n'est pourtant pas tranquille. Les démêlés avec le clergé y recommencent, compliqués encore par des difficultés avec la Norvège, qui a donné asile au meurtrier d'Éric V, et avec les frères du roi. Un de ceux-ci, Christophe, monta sur le trône en 1320, après avoir signé une capitulation, Anfechtung, qui réduisait à rien son autorité. Ses tentatives pour revenir sur ses concessions eurent pour conséquence une guerre civile, dans laquelle intervint victorieusement le comte de Holstein, Gérard le Grand. Christophe dut s'enfuir pendant que le Danemark était partagé entre les Holsteinois, les Hanséates et les chefs des lignes collatérales, les Estritides. Une révolte nationale du Jutland contre les Holsteinois rappela du Brandebourg, où il s'était réfugié, le second fils de Christophe, Valdemar. Proclamé roi à l'assemblée de Viborg en 1346, Valdemar réussit à recouvrer, le plus souvent à prix d'argent, les différentes parties du royaume, moins les provinces d'Outre-Sund, engagées à Magnus Meck, roi de Suède, et l'Estonie, qu'il abandonna définitivement aux chevaliers porte-glaives. Cette reconstitution du royaume ne put se faire qu'au moyen d'impôts énormes qui firent perdre à Valdemar, le restaurateur, à Terdague, sa popularité. En 1268, une révolte générale l'obligea à fuir en Allemagne. Quand il revint, en 1270, ce fut au prix de concessions qui anéantissaient presque ses succès d'autrefois. Il se remit pourtant à l'œuvre. Il allait réunir au royaume le Sud-Jutland quand il mourut en 1275. La couronne passa à Olaf de Norvège, son petit-fils. La mère d'Olaf, Marguerite, prit la régence. Pendant cette période confuse de leur histoire, l'activité des Danois se restreignit au pays tout à fait voisin du Danemark. On ne les vit plus, comme jadis, porter leurs armes à l'ouest, dans les îles de l'océan, à l'est, jusqu'au golfe de Finlande. Nous avons dit que la dernière place danoise en Estonie, Revel, avait été abandonnée aux porte-glaives par Valdemar à Terdague. Longtemps auparavant, les postes établis par les Valdemar le long de la côte vendique avaient été perdus. Les Vendes étaient devenus chrétiens et la croisade chez eux n'avait plus de raison d'être. D'autre part, leur repère de pirates s'était transformé en riche et puissante ville marchande. Encore à la fin du XIIIe siècle, les villes dites vendiques, Lübeck, Rostock, Wismar, Stralsund, subissaient l'influence de leurs voisins du nord. Erik Menveld avait pris les unes, protégé les autres. Au XIVe siècle, les rôles sont changés. Les villes vendiques, devenues villes hanséatiques, interviennent dans les guerres civiles du Danemark avec leurs vaisseaux ou leur argent, et chacune de leurs interventions leur vaut de nouveaux privilèges. Dans la plupart des villes danoises, les Lübeckois ont des entrepôts et souvent un quartier tout entier. Ils y ont leurs juges, importent librement leurs marchandises et poursuivent sans obstacle dans les eaux danoises les harengs qui, au XIIIe siècle, ont quitté les côtes de Poméranie pour remonter vers le sud. Peu à peu, les privilèges des Lübeckois sont étendus à tous les Hanséates. Leur concurrence tue le commerce et l'industrie décente des villes danoises. Leurs vaisseaux circulent seuls dans les détroits où voguaient autrefois les flottes des Vikings. À la fin du règne de Valdemar à Terdague, ils sont devenus si puissants en Danemark qu'ils réussissent à se faire reconnaître, par le traité de Stralsund, 1370, le droit de prendre part à l'élection du nouveau roi. Si onéreux qu'ils soient, ces rapports des Danois avec l'Allemagne baltique sont la plupart du temps pacifiques. Il n'en est pas de même dans leurs rapports avec l'Allemagne continentale, avec le Holstein. Entre Holsteinois et Danois, la guerre est à peu près continuelle, toujours à cause du Sud-Jutland, ou, comme on commence à dire, du Schleswig. Le Sud-Jutland correspond à peu près, en effet, au Schleswig actuel. De tout temps, il avait fait partie du Danemark. Il avait même constitution, même mœurs, même langue que les autres parties du royaume. Les colons allemands n'y ont pénétré que tard et sont toujours restés dans sa partie méridionale. Seulement, dès les débuts de l'histoire danoise, le Sud-Jutland avait fréquemment servi d'apanage pour les cadets de la famille royale. D'autres provinces s'étaient trouvées dans le même cas, sans qu'il en résultât, pour le Danemark, un danger de démembrement. Il n'en fut pas de même pour le Sud-Jutland, à cause du voisinage du Holstein et de l'influence que ne tardèrent pas à y acquérir les Allemands. Le frère d'Éric Plovpenning, Abel, avait reçu en fief, à la mort de Valdemar le Victorieux, le duché de Sud-Jutland. Il épousa une princesse holsteinoise et fut donc appuyé par les Holsteinois quand des contestations, inévitables en un temps et un pays où les droits des suzerains et les charges des vassaux n'étaient pas définis, éclatèrent entre lui et le roi. Plus tard, après l'assassinat de celui-ci, Abel, devenu roi à son tour, réunit le Sud-Jutland au royaume. Mais, à sa mort, la couronne passa à son frère, le Sud-Jutland à ses fils, et la guerre recommença. Vainqueur, Christophe dut s'arrêter devant l'intervention des Holsteinois et laisser leur fief à ses neveux, sans avoir établi s'il était héréditaire ou personnel. La guerre continua donc de plus belle sous Erik Menved et Christophe II. Sous ce dernier, l'avantage resta définitivement aux Schleswigois et aux Holsteinois, conduits par le comte Gérard. Il resta un fief à peu près indépendant et de plus en plus soumis à l'influence de ses voisins du sud, qui l'aidaient de leurs armes, de leur argent, y envoyaient leurs chevaliers et leurs laboureurs, et y conquéraient peu à peu une place pour leur langue et leur nationalité. Ainsi, à la veille des événements qui allaient rattacher à la couronne danoise la Norvège et la Suède, et lui rendre, pour qui la voyait de loin, l'éclat des jours de Canute le Grand, le Danemark n'était pas assez fort pour éviter un démembrement qui devait avoir d'incalculables conséquences. Les causes de cette faiblesse sont à chercher dans la désorganisation intérieure du royaume. Les institutions. Depuis le XIIe siècle, chaque changement de règne a été l'occasion d'un affaiblissement du pouvoir royal. D'abord, chaque roi, à sa mort, a partagé son royaume entre ses fils. C'est ainsi que Valdemar le Victorieux a laissé Seeland, la Scanie, la Fionie et le Nord-Jutland, avec la couronne, à son fils aîné Éric, le Sud-Jutland à Abel, l'Aaland et Falster à Christophe, le Bleking à Canute, le Halland septentrional à son petit-fils Nicolas. La guerre civile est sortie de chacun de ses partages, les princes apanagés essayant toujours de transformer leur fief personnel en fief héréditaire. D'autre part, l'hérédité de la couronne de père en fils, par ordre de primogéniture, n'était pas encore une loi absolue. On ne savait qui devait hériter, du frère du roi défunt ou de son fils. Quelques rois essayèrent d'assurer leur succession à leur fils aîné en le faisant couronner à l'avance. Mais cette précaution n'empêcha jamais les frères ou les oncles de revendiquer leurs droits. En 20 ans, 3 rois périrent de mort violente. La guerre civile était continue. Peu à peu, entre tous ces compétiteurs qui ne cessaient de les solliciter, les nobles tirèrent à eux le droit de trancher le débat, et la couronne devint franchement élective, avec cette seule réserve que l'élu devait appartenir à la famille royale. Naturellement, les prérogatives de la couronne faisaient les frais de chaque élection. On peut mesurer les progrès de la noblesse aux capitulations consenties par les rois. Christophe II permet aux nobles de lever les amendes sur leurs paysans, consent à raser les châteaux royaux du Nord-Jutland, -3, promet de ne pas donner de fief aux Allemands qui l'entourent, de ne pas les admettre dans son conseil, de ne jamais entreprendre de guerre sans l'assentiment des nobles et des prélats. Nul vassal ne sera tenu de suivre le roi hors du royaume. Un peu plus tard, la capitulation de Valdemar à Terdag établit que, tant que vivra le roi, son successeur ne pourra être désigné et promet la destruction de la plupart des châteaux royaux de la Scanie et du Halland. Par contre, les nobles seront libres de se fortifier dans leur domaine comme ils l'entendront. Dans d'autres pays, la royauté a trouvé un appui dans le clergé. Il n'en a pas été de même en Danemark. La puissance des prélats y a cru parallèlement à celle des seigneurs. De bonne heure, enrichis par les libéralités des premiers esthétrides, les évêques ont eu leurs châteaux, leurs cours, leurs monnaies, leurs vassaux. Les archevêques de Lund avaient 36 fiefs à leur disposition et possédaient, entre autres, toutes les cités de l'île de Bornholm. Les évêques de Roeskilde disposaient de 43 fiefs. Ce fut l'un d'eux, Absalon, qui fonda Copenhague. Ces immenses domaines prétendaient ne payer au roi aucun impôt. Ce fut la cause de la lutte qui éclata, au XIIIe siècle, entre la royauté et l'épiscopat. Commencée sous Erik Plovpenning, elle se prolongea, presque sans interruption, pendant 4 règnes. D'un bout à l'autre, elle présente les mêmes caractères et les mêmes épisodes. Le chef du clergé est toujours l'archevêque de Lund, qu'il s'appelle Jacob Erlandsen, Jean Grand ou Esgard Juel. Le conflit éclate à propos d'impôts ou parce que le roi a essayé d'intervenir entre l'archevêque et ses paysans. L'archevêque fait excommunier le roi par un concile, le roi fait emprisonner l'archevêque, puis, le royaume étant mis en interdit, le laisse fuir à Rome. Alors commence avec le pape des négociations dont le résultat est généralement la levée de l'interdit, le retour de l'archevêque, le paiement par le roi d'une forte amende, la confirmation et l'agrandissement des privilèges du clergé. Il en est toujours ainsi jusqu'au moment où, d'une part, le roi n'a plus rien à céder, et où, de l'autre, l'épiscopat commence à se sentir gêné par la puissance grandissante de la haute noblesse. Ce moment arrive sous Christophe II. Sa capitulation, 1322, promet que désormais aucun ecclésiastique ne pourra être cité devant les tribunaux royaux, qu'aucun évêque ne sera emprisonné ou banni sans la permission du pape, qu'aucun impôt ne pèsera jamais sur les personnes ou les propriétés ecclésiastiques, etc. Il va sans dire que les évêques auront leur place dans le conseil, Rigsrad, qui siège à côté du roi et tire à soi tout le gouvernement du royaume, et que certains grands offices, celui de chancelier par exemple, seront toujours dévolus à l'un d'entre eux. Pendant que la noblesse et le clergé grandissent ainsi, l'ordre des bourgeois se développe péniblement. Il y a encore peu de villes, et la concurrence des anséates ne leur permet guère de grossir. Il y a peu d'artisans et de marchands danois. Quant aux paysans, ils perdent rapidement leur importance primitive. Au début de l'histoire du royaume, non seulement ils étaient libres et propriétaires, mais encore ils exerçaient leur part d'autorité dans l'État. La loi promulguée par le roi et adoptée par le pays ne doit être ni abrégée ni modifiée sans le consentement de la nation entière, dit la loi jutlandaise. Mais déjà, sous Valdemar le Grand, Saxo Grammaticus remarquait que, par suite de la répugnance du peuple à prendre part aux expéditions contre les Vandes, le roi s'abstenait de soumettre aux assemblées nationales les questions de paix ou de guerre et n'en conférait qu'avec ses principaux vassaux. La classe des paysans était donc peu à peu éliminée des décisions, comme elle l'était du reste, de plus en plus, de la guerre elle-même. L'importance croissante de la cavalerie, par des deux fers, qui, au XIVe siècle, forme la presque totalité des armées, rend après inutile la levée des paysans. On remarque dès cette époque qu'ils perdent l'habitude d'aller toujours armés. Pourtant, la guerre civile est continuelle. Pour se protéger, le paysan est forcé d'avoir recours à la recommandation, et avec la recommandation apparaissent les différentes sortes de subordination des personnes et des terres, qui existaient déjà depuis longtemps, dans l'Europe occidentale et centrale. Le servage commence, non sans de violentes secousses. Les jacqueries sont fréquentes dans l'histoire danoise du XIIIe et du XIVe siècle. En résumé, à la veille de l'Union du Nord, le Danemark tend visiblement à devenir une république nobiliaire. Fin de la section 61.